Chapitre 8e, le galopin. Vive Dieu, c'est singulier, dit le duc de Guise, s'avançant vers la porte qui donnait sur le grand escalier. J'avais emmené de Florence un enfant que mon cuisinier a été obligé de chasser parce qu'il ne trouvait plus aucune casserole en place. Il faisait un orchestre étourdissant de ma batterie de cuisine. Cet enfant, je l'ai trouvé une nuit dans la rue et je l'avais totalement oublié, dit mademoiselle en se levant et s'avançant aussi vers le grand escalier. La société ayant suivi mademoiselle, un spectacle curieux s'offrit à ses yeux et la rendit muette. Entouré d'une foule de casseroles arrangées symétriquement dans le vestibule du palais, un galopin, vêtu en marmiton, une baguette à la main, se démenait comme un beau diable. Il allait de l'une à l'autre de ses casseroles, frappant par-ci, frappant par-là, chantant en même temps, et finissant réellement par exécuter une musique assez originale. Un peu plus loin, au milieu d'une double rangée de laquais, le chef des cuisines, le regard enflammé, le front menaçant, les poings serrés, criait « Mes casseroles, galopin, mes casseroles !» tandis qu'il faisait de vains efforts pour se jeter sur le musicien et se débarrasser de l'étreinte d'un petit homme fort laid qu'il retenait en lui disant d'une voix étouffée « Chute donc, misérable, chute donc. On soupera si l'on peut, mais ne dérange pas ce galopin. Quelle précision, quelle mesure. Ces casseroles parlent, elles ont une voix, elles ont une âme. Hey, « Hé, lâchez-moi donc, monsieur, vous êtes fou !» répliquait le cuisinier en colère. « Au lieu d'une voix et d'une âme, elle ferait bien mieux d'avoir des entrées, des ragoûts, des fricassés. Faire de la musique avec des casseroles, ça s'est-il jamais vu ?»« Puisque je n'ai plus mon violon, oreille de Midas, » dit à son tour le petit galopin, s'adressant en colère au cuisinier, « il faut bien que je fasse de la musique avec ce que je trouve sous ma main. »« Est-ce que tu sais jouer du violon, petit galopin ?» demanda Baptiste, le petit homme que vous avez sans doute reconnu, mes jeunes lecteurs, pour être ce Michel, attendu par toute la société. « Un peu, signor, » répondit Baptiste. « Et si je connaissais un nommé Michel Lambert, je sais bien ce que j'irais lui dire. »« Eh bien, c'est moi qui suis Michel Lambert. Que me dirais-tu, petit bonhomme ?»« Ah, vous êtes Michel Lambert, » répliqua Baptiste, s'approchant de Lambert et le regardant en ouvrant de grands yeux. « Alors écoutez-moi. Je n'ai pas d'argent. » Je ne peux donc pas vous demander des leçons de musique. Mais si vous voulez permettre que j'aille chez vous vous écouter de temps en temps, ou vous suivre quand vous allez donner des leçons en ville, je promets, foi de Baptiste Lully, que vous aurez dans peu un élève qui vous fera honneur. Je vais te juger, lui dit Lambert. Prends mon violon et joue. Le petit Baptiste ne se le fit pas dire deux fois. Il prit le violon que lui présentait Lambert, et l'appuyant sur son épaule avec une émotion profonde, il dit « Enfin !» Je tiens donc un archet. » Il commença à jouer. Dès les premières notes, frappées avec sentiment et mesure, Lambert regarda deux fois ce petit galopin qui maniait l'archet avec la légèreté d'une main exercée et une justesse d'oreille admirable. Plus l'enfant jouait, plus l'artiste s'extasiait. Enfin, Baptiste, jouissant de l'étonnement qu'il causait, baissa et son archet et son violon, et d'une voix à la fois railleuse et vibrante, il lui dit « Eh bien, signor, que vous en semble ?» Lambert, au plus haut degré d'admiration, courut à Baptiste, lui prit la tête entre ses deux mains, et le baisant au front à plusieurs reprises, s'écria « Mais c'est admirable, c'est merveilleux, tu es musicien, petit drôle, tu es organisé comme le dieu de la musique même. Quitte ta marmite, quitte tes chaudrons, quitte tes casseroles, viens chez moi. Viens, tu es mon élève, tu es mon enfant, viens !» Je me charge de toi, de ton éducation, de te pousser dans le monde. Je veux que tu fasses ton chemin et tu le feras. Où est mademoiselle? Où est-elle? Ajouta-t-il, prenant le chemin de l'escalier en entraînant après lui le petit Baptiste. Il n'alla pas bien loin pour rencontrer la duchesse de Montpensier, qui, immobile ainsi que sa suite sur le haut de l'escalier, avait écouté toute cette scène sans l'interrompre. Madame, dit Lambert sans paraître intimidé devant cette belle princesse, et cette brillante noblesse qui faisait silence pour l'écouter. « Un garçon de talent comme celui-ci, » ajouta-t-il en poussant Baptiste devant lui, « ne doit pas rester enfoui dans vos cuisines. Je le demande à votre Altesse pour en faire un musicien, et un musicien célèbre, sur mon âme. »« Faites-en un musicien, j'y consens, monsieur Lambert, » répondit mademoiselle avec bonté, « mais je suis trop charmé d'en avoir un parmi mes valets pour donner son congé au petit Baptiste. Je l'autorise à aller chez vous autant qu'il le voudra. » Prendre des leçons que je paierai, et je vous donne ma parole que s'il en profite, je prendrai une troupe de musiciens dont il fera partie. » Puis, se tournant vers Baptiste, elle ajouta d'un air plein de bonté, « va quitter ton tablier baptiste et change-le contre des chausses retroussées. Bah !» 6 mois après, Baptiste Lully portait le pourpoint noir, comme les secrétaires, et avait sous ses ordres 12 violons qu'il conduisait et auxquels il faisait jouer de si jolis airs de sa composition que Sa Majesté Louis XIV demanda à Mademoiselle son protégé et le mit à la tête de ses 24 petits violons si fameux dans ce temps-là. Dans les fêtes brillantes qui se succédaient sans cesse à la cour de Louis XIV, Lully trouva bientôt l'occasion de faire l'essai de ses talents pour le drame lyrique. Il composa la musique de ses intermèdes et de ses ballets, où le roi lui-même ne dédaignait point de prendre un rôle, et Molière réclamait son concours pour la partie chantante et dansante de plusieurs de ses pièces. Doué d'un esprit très gai et très original, il prouva qu'il lui était aussi donné de sentir et d'exprimer les grandes affections de l'âme. Dans sa lettre du 6 mai 1672, Madame de Sévigné, en rendant compte de la pompe funèbre du chancelier Séguier, dit de Lully « Pour sa musique, c'est une chose qu'on ne peut expliquer. Baptiste avait fait un dernier effort de toute la musique du roi. Ce beau miserere y était encore augmenté. Il eut un libera où tous les yeux étaient pleins de larmes. Je ne crois point qu'il y ait une autre musique dans le ciel. » Louis XIV, voulant récompenser magnifiquement Lully, lui donna cette même année le privilège de l'Académie royale de musique, lequel avait appartenu jusqu'alors à l'abbé Perrin. C'est de ce moment que date réellement en France la fondation de notre grand opéra, dont Quino partage la gloire avec Lully. En 1687, Lully, s'étant blessé dangereusement au pied en battant la mesure avec sa canne, se sentit mourir. Étendu sur la cendre, il composa un cantique. Il faut mourir, pécheur, et le chanta lui-même d'une voix défaillante. Il mourut à quelques jours de là. Sa veuve, qui était la fille de ce Michel Lambert, son premier maître, lui fit ériger un mausolée magnifique dans l'église des petits pères où il avait désiré être enterré. Santeuil composa son épitaphe en 6 vers latins, dont voici la pensée. « Ô mort, nous savions que tu étais aveugle, mais en frappant Lully, tu nous as appris que tu étais sourde. » Ainsi s'achève le petit galopin Jean-Baptiste Lully par Eugénie Foix.